que tu t'avances, tu ne verras rien de la piste, tu t'en balances. Désormais fini les conneries, tu t'envoles vers une autre idée de ta vie, laisse au sol. Écrasé de douleur idiote, celle qui fut toi toutes ces années sottes, quel gâchis. Prends l'avion pour un autre là-bas. Aimer c'est si bête, aimer c'est si fin. Prends l'avion pour un autre là-bas. Aimer c'est si bête. Prends l'avion pour un autre là-bas. Aimer c'est si bête, aimer c'est si fin. Prends l'avion pour un autre là-bas. J'en pense.